Oh, dis donc, la mon Dieu. Oh là là, la bière, et elle veut tout le temps la bière, celle-là. Comment t'as un peu l'homme, là? Ah, ok. Et pas y'a babette, donc t'es pas y'a babette, hein? Ah, t'es. Qui est là? Gonzalo qui arrive. Oh! Bienvenue! Donc, il y a Babène, Babène! Balobio Ponga Nana Polina, Polina est moana Bato, Polina est Yakana Bengio, Polina est Tika Polena. Balobio Ponga Nana Polina, Polina est Ana Bato, Polina est Yakana Bengio, Polina est Tika Polena. Balobio Ponga Nanga Polina, Polina.